incognito fils. RSA, RMI, sont mes pires ennemis. Le salaire à Kennedy, Aoudou Bileh, non merci. L'un des gros est riche comme Omar Sy. Premier album écrit à Bois d'Arcy. J'ai la banane comme Tobira. Skywalker dans le Kohiba. On crache pas dans le gars qui libre. Y'a que pour mes rocks, j'ai le gars qui boit. Tu peux le faire, j'en suis la preuve. 7-4-K, panique, y'aura. T'arrives en prog, note MX9. J'ai mon pied nu comme Yannick Noir. J'suis à l'axe, beauté à Zumba. Je jump Oscar de la Hoya. Ton oncle n'y passe la chuma. Balle dans la tête, j'ai pas de Cuba. Oulbil, il fait all sous-bois. Été, hiver, tout est noir. Je lis beaucoup trop peu de soif. Beaucoup de messieurs dans mes choix. Y a-t-il un crime qu'on ait peur de commettre? Être disque de platine, c'est mon fond de commerce. Sans de haineux sur le devant de la paire de converse. Tu es très décevant comme mes bulletins scolaires et ton entrée au top zéro. La plus grosse balance avant toi, c'est ton cellulaire. Je n'ai que des victoires, pas le time qu'on les énumère. Dans ce rap game, niquer des mères, ça me rémunère. Que mon zeppelin gravé dans quelques fourgons cellulaires. Et les enfants de putain s'accumulaient. J'baisserai ces négros à jamais, j'appartiens à l'OPSCUR. Que des banlieusards déterminés à mon séminaire. La Nike est personnalisée, carrière customisée comme le SLR. Là je veux dire où t'as pas, je veux dire. Quelques dizaines de carats sur l'auriculaire. Ils urglottent dans la peau car jamais ils n'articulèrent. Impressionnant tout l'argent qu'ils manipulèrent. Ma vision de ton futur sur terre est particulière. Y'a qu'en rachetant l'équipe que je ne serai plus titulaire. Encore quelques millions et je ne saurais plus qui tu es. On fait du business, il m'a comme elle est haute. Que Dieu me punisse d'être comme les autres.